طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette épître qui est très importante, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Mashallah, livre très important. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il nous dit وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. Et donc il nous dit les meilleures personnes de cette communauté après leur prophète sont Abu Bakr al-Siddiq ainsi que Omar ibn al-Khattab, puis Othman ibn Affan. Nous faisons précéder ces trois-là comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait précéder et n'ont pas divergé en cela. Ils n'ont pas divergé en cela. Et donc, oh chers frères, on voit quoi ici? Barakallahu fikoum. On a vu précédemment dans la Muqaddima de Ibn Abizé de Firawani, sur le madhhab de l'imam Malik, on a vu dans la Aqida le sujet des compagnons et que ce sont eux qui sont les meilleures personnes de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, dans le fondement de la sunna de l'imam Ahmed, il nous cite aussi les compagnons. Pourquoi? Les frères, à chaque fois que vous allez aborder un livre de Aqida écrit par des gens de Ahlus Sunnati Wal Jama'a, vous allez avoir ce sujet. Vous allez avoir ce sujet. Ça fait partie des fondements de notre religion. Le fait que c'est que les compagnons sont les meilleurs de cette communauté et que nous devons les suivre. Ibn Abi Daoud. Oh non, on va aller voir tout à l'heure. Tout à l'heure, Inch'Allah. Et donc, il dit qu'on fait précéder les trois qui ont été cités parce que c'est eux que les compagnons ont fait précéder. Et ils n'ont pas divergé. C'est un sujet d'unanimité. Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. C'est un sujet d'unanimité. Ne laissez pas des gens vous faire croire que non mais. Il y a eu une divergence chez des tabi'oun, pendant une petite époque, où certains faisaient devancer Ali à Othman. Une petite divergence chez certains tabi'oun. Mais ensuite, ils sont revenus à cette unanimité qui était déjà présente à l'époque des compagnons. Et même s'ils n'étaient pas revenus sur l'unanimité, on serait resté sur l'avis de l'unanimité. Parce que lorsqu'il y a une unanimité, cette unanimité doit être suivie, tout simplement. Ensuite, il dit l'imam Ahmed, « ثُمَّ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ أَصْحَابُ الشُّورَ الْخَمْسَ » Ensuite, après donc ces trois-là, il y a « أَصْحَابُ الشُّورَ » Donc les gens de Majlis al-Shura, le fait de, donc ceux que les gouverneurs, ils prenaient pour concerter, les assises de concertation. Les cinq, il dit l'imam Ahmed. En réalité, ils sont six. Ce qui est connu, c'est qu'ils sont six. Ce que l'imam Ahmed a cité, plus un sixième. Et donc, il nous dit l'imam Ahmed, rahimahullah, Ali ibn Abi Talib, Talha, wa Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad, kulluhum yasluhu lil khilafa, wa kulluhum imam. Chacun d'entre eux, ils sont éligibles pour être gouverneur. Et chacun d'entre eux était imam. Et donc ici, on rajoute à ces cinq-là, Saïd ibn Zayd. Et moi maintenant, j'ai une question, barakallahu fikoum, mes frères. Qui sont les 10 compagnons promis au paradis? Les frères, qui sont les 10 compagnons promis au paradis? Je veux leur nom. Abou Bakr. Omar. Othman. Ali, ça fait 4, il en reste 6. Saad. Saad, ouais. Saad, Ibn Abi Waqqas. Des fois, on est à 5 là. وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح. Et dit, les meilleurs des gens après Mohammed, ce sont ces deux ministres, puis Uthman al-Arjahu. Uthman, selon donc la vie le plus juste. Et donc ces deux ministres, c'est qui? Les deux ministres du prophète. Abu Bakr et Omar. Tayyib. Et donc là, on a trois. Warabi'uhum, khayrul bariyati ba'dahum, aliyun haliful khayri bil khayri munja'u. Et le quatrième est le meilleur de la création après eux, le meilleur des créatures après eux, c'est Aliyun, Haliful Khayri bil Khayri Munjahu. Aliyun, celui qui est tout le temps avec le bien dans le bien. Ensuite, Wa innahum warrahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi wan nuri bin nuri tasrahu. Et certes, ceux-là, donc les quatre qui ont été cités, ainsi que les autres qui viennent, il n'y a aucun doute sur eux. Concernant les délices du paradis, par la lumière, ils se déplacent. Donc dans le paradis. Qui sont ces gens-là? Saïdun wa Sa'dun wa Ibn Awfin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubayru al-Mumaddahu. Saïdun wa Sa'd wa Ibn Awfin. Abdurrahman ibn Awf, wa Talha, wa Amiru Fihrin, Amir ibn Abdullah, wa Zubair, Zubair ibn Awam. Et donc, les frères, c'est important qu'on connaisse ces gens-là. C'est important qu'on connaisse qui sont les 10 promis au paradis. C'est important qu'on connaisse les compagnons. Mais on veut aller au paradis. Tu n'as pas le choix. Allah ne t'a pas donné une deuxième possibilité. Ceux qui vont au paradis, ce sont ceux qui suivent ces gens-là. Pas suivre Messi, pas suivre tous Ronaldo, pas suivre je ne sais pas qui. Suivre ces gens-là. Il faut arrêter de suivre tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et encore pire, ceux qui s'affilient à l'islam. Encore pire, ceux qui montrent donc qu'ils s'affilient à l'islam. Et qu'après, c'est eux qui vont avoir un plus gros impact sur nos jeunes musulmans. Et les éloigner encore plus de l'islam. Et donc, oh chers frères, barakallahu fikoum, c'est important qu'on apprenne à suivre les sahaba. Tu veux aller au paradis, rappelle-toi de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, as-sabiqoun al-awwaloun, les prédécesseurs, les premiers, min al-muhajirin wal-ansar, parmi les muhajiroun et les ansar, wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Tu veux cette satisfaction? Tu veux entrer au paradis? Suis-les. Tu n'as pas d'autre choix. Tous les textes du Coran et de la Sunna nous montrent cela. On doit suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on trouve ce sujet dans la Aqida, dans les livres de Aqida. Parce que lorsqu'on vient voir Jama'a tout tablir et qu'ils viennent nous dire « Oui, nous, c'est Mohamed Ilyes qui a invité, qui a inventé notre groupe. » On va dire « Fini !» Fini, c'est terminé. Pourquoi Mohamed Guest est venu après les Sahaba? Tout groupe qui est né après les Sahaba est un groupe qui mène à l'enfer. Prenez-le comme règle. Tout groupe qui est né après les Sahaba est un groupe qui mène à l'enfer. Il y a certains groupes qui ont été formés à l'époque des compagnons par d'autres que les compagnons. Ce n'étaient pas des compagnons, mais c'était à leur époque. Al-Khawarij, Al-Qadariya, il y avait encore des compagnons. Etc. Et donc ces groupes-là, ils ont été formés, il y avait encore des compagnons qui étaient là. Et ensuite, après la mort des compagnons, les groupes sont venus. Là, les groupes sont venus en nombre. Et donc, tu veux être sauvé. Tu veux être dans le groupe sauvé. Le groupe des compagnons. Le groupe des compagnons, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et justement, cette question, ce que tu viens de dire, c'est très important. Lorsque quelqu'un, un groupe, il vient te voir, et te disent, nous on fait ça, dans notre croyance, on ne dit pas que Allah est là demain. Tu dis, alors, attends, le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, c'est demain. Il a dit, c'est demain. Oui, mais c'est pas ça. Trouve-moi le compagnon qui a dit, c'est pas ça. Ramène-le-moi. Allez. Fais le tour du monde et ramène-le-moi. Il ne va pas te le ramener. Parce que ce n'était pas la croyance des compagnons. Ça n'existait pas à leur époque. C'est une croyance qui est venue après. Et donc ensuite il continue l'imam Ahmed rahimahullah, il nous dit wa nadhhabu fi dhalika ila hadith ibn Omar. Et pour cela nous nous basons sur le hadith d'Ibn Omar. Kunna na'uddu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun Abu Bakr thumma Omar thumma Uthman thumma Naskut. Et donc Ibn Omar qui dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était vivant et ses compagnons ils étaient présents et donc on comptait premièrement Abu Bakr puis Omar, puis Uthman, puis on se taisait. Et donc ça, c'était l'ordre qui était connu à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Et il dit l'imam Ahmed, ثُمَّ مِنْ بَعْدِ أَصْحَابِ الشُّورَ أَهْلُ بَدْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. Et donc après أَصْحَابُ الشُّورَ, il y a les gens de Badr parmi les Muhajirouns. ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. ثُمَّ les gens des participants de la bataille de Badr parmi les Ansar. Min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala qadri al-hijrati wa sabiqati awwalan fal awwal. Et donc les meilleurs d'entre eux, et donc ce sont ceux qui ont ceux qui ont été les premiers à faire la hijra et les premiers à se convertir, ainsi de suite. Et donc ensuite il dit l'imam Ahmed rahimahullah, il dit thumma afdalun nasi ba'da haula ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les meilleurs des gens après cela, après ceux qui ont été cités là, les meilleurs d'entre eux, donc ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière générale. Comme on a dit, les compagnons, ils vont tous au paradis, tous au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit concernant les compagnons, wa kullan wa'adallahu al-husna, à chacun d'entre eux Allah a promis le paradis. Allah azza wa jalla dit concernant les compagnons, قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Certes, Allah fut satisfait des croyants lorsqu'ils te portèrent allégeance en dessous de l'arbre. Et donc les compagnons, ce sont des gens dont Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait d'eux. Ce sont les meilleurs des gens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qarn alladhi bu'itha fihim, donc c'est la génération durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et donc maintenant, ensuite il nous dit l'imam Ahmed. Ou alors je vous pose la question avant. Comment on reconnaît un compagnon? Le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ne serait-ce qu'un instant. Il l'a rencontré en étant croyant. Donc il croyait en lui, c'est pas il a cru après. Il l'a rencontré en étant croyant. En croyant en lui. Et en mourant sur cela. Donc rencontrer le prophète, croyant, mort sur cela. On a trois points. Rencontrer le prophète, pas vu. Parce qu'il se peut qu'il le voit, il se peut qu'il ne le voit pas, il se peut qu'il soit aveugle. Même s'il y a des savants qui ont dit vu. Il y a des savants qui l'ont dit. Mais le plus juste, c'est de dire rencontrer. Parce qu'il y a des compagnons qui sont aveugles. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit quoi? Et donc le fait d'avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et en mourant sur cela. Voyez? Et donc il nous dit l'imam Ahmed rahimahullah, فَكُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ. Donc tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui l'ont accompagné, ne serait-ce qu'un an, un mois, un jour ou un instant, ou alors qu'il a vu, alors celui-ci fait partie de ses compagnons. Lahu min as-sohbati ala qadri min as-sahibahu. Et donc, il a le rang du compagnon en fonction de l'accompagnement qu'il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu. Et donc, son mérite de prédécesseur est avec lui. Wa sami'a minhu. Wa nadhara ilayhi. Et donc, en fonction de ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fa adnahum sohbatan huwa afdalu. Écoutez, ça c'est important. Et celui qui a le moins accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que toute la génération de ceux qui ne l'ont pas vu. Meilleur que celui qui a rencontré le prophète un instant, il est meilleur que tous ceux qui ne l'ont pas rencontré. Même si ces gens-là, ils rencontrent Allah avec toutes les œuvres, ils ne seront jamais meilleurs que les compagnons. Ça, c'est un mérite qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé. Kana ha'ula'i alladhina sahibu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'aynihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi min at-tabi'in walau amilu kull a'mali al-khayr. Et donc ces gens-là qui ont donc été des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont vu, qui l'ont entendu et donc qui l'ont vu de leurs yeux, ne serait-ce qu'un instant, ces gens-là sont meilleurs que donc ces gens-là sont meilleurs que ceux qui sont venus après parmi les tabi'un, même si il se peut donc même si parmi les tabi'un certains sont venus avec tout, certains auraient pu venir avec toutes les œuvres de bien, malgré tout cela ils ne sont pas meilleurs que des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit donc dans as-sahihayn la tasubbu as-ashabi, n'insultez pas mes compagnons. فوالذي نفسي بيده فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفا. Et donc n'insultez pas mes compagnons, car même si l'un d'entre vous il dépense la valeur, même si l'un d'entre vous il dépense en aumône une quantité d'or équivalente à la montagne de Uhud, cela n'atteindrait pas le moud, les deux mains tendues d'un de mes compagnons, même pas la moitié de cela, juste une main tendue. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a favorisé ces gens-là. Il les a favorisés et donc il ne convient pas de leur manquer de respect. Nous devons respecter ces gens-là, nous devons les aimer, nous devons les suivre. Et certains groupes se sont égarés dans ce sujet, parmi eux, Ar-Rawafid. Ceux qui vont insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si, donc ceux qu'ils vont insulter, si cette insulte implique le fait de mécroire, alors ces gens-là sortent de l'islam. Comme le fait de dire que Abu Bakr n'est pas un compagnon, ça fait sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a informé dans le Coran que Abu Bakr est un compagnon. Idh yaqulu li sahibihi, lorsqu'il dit à son compagnon. Et donc, quand tu viens, tu dis non, c'est pas son compagnon. Ça fait sortir l'islam. Parce que tu as rejeté, la personne a rejeté le Coran. Et donc, si ces insultes-là sont des insultes qui font sortir l'islam, ces gens-là sortent de l'islam. Si ce sont des insultes qui ne font pas sortir l'islam, alors ce sont des innovateurs. Ce sont des innovateurs. Toute personne qui insulte les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se met dans une situation dangereuse et difficile. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.